Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, quelles sont les règles pour le nom de famille ? Depuis la promulgation de la loi sur le mariage pour tous, inscrite au journal officiel le 24 mai 2013, les règles concernant le nom de famille ont changé. Ainsi, par exemple, une femme mariée n'est pas du tout obligée de prendre le nom de famille de son époux, et l'époux a même le droit de prendre le nom de famille de son époux. Ce sont des mesures définitivement plus égalitaires. Alors un petit point de vocabulaire pour commencer. Le nom de famille, que l'on appelle aussi nom de naissance ou nom patronymique, est celui qui figure sur notre acte de naissance. Le plus souvent, il s'agit du nom de notre mère ou de notre père, que l'on porte depuis notre enfance. Sur les documents officiels, comme le livret de famille, et dans les courriers destinés à l'administration, c'est celui dont les autorités tiennent compte. Et puis, il y a le nom d'usage. Lui est celui que l'on utilise au quotidien. Pour une femme ou un homme marié, cela peut être le nom de famille de son mari ou de sa femme. Quel nom de famille puis-je alors choisir ? Du fait de la loi, donc comme je disais concernant le mariage pour tous, il y a de nombreux choix possibles. Ainsi, vous pouvez garder votre nom de naissance, prendre le nom de votre mari ou celui de votre femme, ou encore fabriquer un tout nouveau nom d'usage composé du nom de famille de votre époux et le vôtre. Si vous choisissez l'option nom d'usage composé, un espace doit alors séparer les deux noms de famille. On ne met pas de tiret, pas de double tiret non plus, on ne colle pas les deux, on ne mixe pas. Même choix du côté du mari, il n'est pas obligé de garder son nom. Il peut ainsi prendre celui de sa femme, garder le sien, ou en fabriquer un nouveau composé du sien et du coup de son épouse dans l'ordre choisi par les deux conjoints. Attention, ces possibilités ne sont valables qu'en cas de mariage. En effet, vous n'avez pas le droit de prendre le nom de votre concubin, même si vous êtes paxé. Alors comment dois-je déclarer mon nouveau nom d'usage ? Pour déclarer ce changement de nom d'usage après un mariage, il suffit de remplir un formulaire en ligne et d'y joindre un acte de naissance datant de moins de 3 mois, mentionnant justement ce mariage. Il n'est pas nécessaire de se précipiter, vous avez en effet votre temps pour y réfléchir. En effet, une fois que le mariage est prononcé, il n'y a pas de délai pour faire inscrire votre nouveau nom d'usage sur vos documents d'identité. Vous pouvez faire cette démarche quand vous le souhaitez, même des années après. Et si vous avez des enfants, alors quel nom de famille porteront-ils ? Si vous ne faites aucune démarche administrative, votre enfant prendra automatiquement le nom de famille du père, si les deux parents sont mariés. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant prendra automatiquement le nom de famille à l'égard duquel sa filiation est établie en premier. Comprenez par exemple que si le papa reconnaît Mathéo après la déclaration de naissance, alors Mathéo aura forcément le nom de famille de la maman. Sinon, plusieurs choix s'offrent aux parents mariés. L'enfant peut prendre le nom de famille du père, celui de la mère, ou alors un nom de famille composé des deux noms, séparés par un espace, encore une fois, pas de tiret, et dans l'ordre choisi par les parents, comme pour le mariage finalement. Pour déclarer leur choix, les parents doivent ici remplir un formulaire qui est disponible en ligne. Celui-ci doit bien sûr être signé par les deux parents à la même date et remis à l'officier de l'état civil en même temps que la déclaration de naissance, c'est-à-dire dans les 5 jours qui suivent l'accouchement. Attention, chaque parent ne peut fournir qu'un seul nom de famille à l'enfant. Ainsi, si la maman s'appelle Dupont-Durand et le papa s'appelle Martin, Mathéo ne peut pas s'appeler Dupont-Durand-Martin. C'est en effet logique. À savoir que le choix des parents pour leur premier enfant, l'aîné, s'applique au reste de la fratrie. Il existe cependant des conditions particulières dans les familles où le premier enfant est né avant 2005. Il faut alors se renseigner directement en mairie ou auprès des services de l'état civil. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.